Chapitre 39e, au paradis. Sous son déguisement de brave ouvrier, au cœur content, il s'en alla rue de la Vrillière en zigzaguant un peu, chantant et prêt à embrasser le genre humain. Arrivé devant le poste de soldats qui se trouve rue de la Vrillière, dans l'angle des bâtiments même de la Banque de France, Paulin Broquet s'arrêta. Son cœur patriotique sentit se réveiller la flamme chauvine. Il cria « Vive l'armée! Vive la gloire !» À toute force, il voulut serrer la main du factionnaire qui, l'arme au pied, montait la garde devant le poste. « C'est un copain, » disait-il, « c'est un pays. On est du même patelin. Il va se marier avec ma cousine. » Le factionnaire qu'il voulait prendre par le corps avait grand mal à se défendre, à se débarrasser de cet individu. Il appela le poste à son secours. Avant son appel, on avait déjà vu la manœuvre de ce joyeux. Le sergent qui commandait le poste avait ordonné à ses hommes de débarrasser le planton et d'amener ici, en douceur, le pochard. Paulin Broquet ne demandait que cela. Il voulait, lui, le détective, être mis au poste. Il continua donc de jouer sa comédie inoffensive, mais bruyante. Il voulut également reconnaître dans le sergent un autre cousin. Fort heureusement, le sergent avait bon caractère et se trouvait de bonne humeur. Il plaisanta avec le pochard, s'amusa avec lui, pendant qu'un de ses hommes allait quérir un agent pour débarrasser ce coin militaire d'un civil tapageur. Pendant ce temps, Paulin Broquet, tout en se livrant à ses fantaisies, regardait dans le poste, l'étudiait, cherchait. Le poste compose d'une grande pièce où se tiennent les hommes en attendant d'aller prendre leur tour de garde. Cette pièce était sommairement meublée de bancs, de tables en gros bois, de râteliers pour les fusils. Dans un coin, la table et la chaise du sergent. Au mur, des affiches blanches, des feuilles de règlement. Dans le fond de cette pièce, Paulin Broquet aperçut une grosse porte que renforçaient les traverses de fer et que maintenait un énorme verrou. « Par où qu'on va par là ? » demanda-t-il. « Au paradis, » lui répondit le sergent. Pris par une idée de bonne farce à faire, il lui demanda « Tu veux y aller ?»« Parbleu, » répondit Paulin Broquet, « je le mérite. » Le sergent fit signe à ses hommes, ils tirèrent le verrou, ouvrirent la porte. Ce ne fut pas, comme le supposait le détective, une salle de police, un violon qui se trouvait là, mais un corridor, un couloir n'ayant que quelques mètres de long sur 2 mètres plus de large. C'était en somme un boyau, mais au bout de ce couloir se trouvait une autre porte, avec, comme la première, une armature de fer, un verrou et un énorme cadenas. « Ici, » dit le sergent à Paulin Broquet dans le couloir, « tu n'es encore qu'en purgatoire. Le paradis est là-bas. » L'un des hommes ouvrit la porte. « Entre, » fit le sergent, « tu trouveras des anges et des séraphins, et même des rats. Tu ne t'ennuieras pas. » Un des hommes éleva le falot du poste qu'il tenait. Paulin Broquet put se rendre compte des êtres. C'était bien la salle de police. Mais ce qui frappa surtout son attention, ce furent des pots, des instruments de travail, des truelles et des sacs de plâtre. « Surtout, » lui dit le sergent, « touche pas à ça. C'est sacré. Ça appartient au génie militaire. » Il ajouta, « Mais tu peux t'étendre sur la plume de sapin qui est là dans le coin et commencer ton somme. » Puis, se retirant en riant, il ferma la porte derrière lui, croyant avoir joué un bon tour au pochard. Paulin Broquet, tout d'abord, fit comme s'il riait de la farce. Puis, il eut l'air de commencer à se fâcher. Il appela, il tapa du pied et se mit dans une colère effroyable, en apparence. Pendant ce temps, très calme, très maître de lui, il avait allumé sa petite lampe électrique munie d'une ampoule bleue et l'examinait attentivement, tout en hurlant, la salle de police. Il inspectait les parois, sondait les murs et consultait sa fidèle boussole. « Allons, » se dit-il, « plus de doute. Cette salle doit correspondre avec la cave où les millions ont été volés. » La salle de police était bâtie en long. Paulin Broquet y vit l'indication que ce n'était là qu'un souterrain, un couloir qu'on avait bouché et fermé par un mur. Derrière ce mur devait se trouver la continuation du souterrain, qu'à nouveau fermait le mur des caves. Ce devait être un de ces passages secrets dont cet excellent monsieur de la Vrillière se servait pour sortir nuitamment de son hôtel et aller dépouiller les gens dans les rues qui environnaient le Louvre. Ce monsieur de la Vrillière était en son temps une façon de zigomar à perruque, un parfait bandit qui n'échappa à la corde qu'en flattant la vanité du grand roi en le célébrant par la place et la chapelle de Notre-Dame des Victoires. Quand son hôtel, après de multiples vicissitudes, devint la Banque de France, on se servit de ses souterrains admirables et d'une solidité à toute épreuve, mais, par raison d'économie, on se contenta de murer les couloirs sans combler ce qui se trouvait derrière les murs. Le nid de brigand devint donc, pour prouver que c'est l'impossible qui arrive, la demeure de l'honneur de la France. Mais Igomar devait se reconnaître chez son ancêtre en crime, M. de Lavrillière. Paulin Broquet, fatalement, représentant la justice, devait y arriver à son tour. La détention du joyeux Pochard ne fut pas au demeurant trop longue. Riant de plus belle, le sergent et ses hommes revinrent chercher le prisonnier. Paulin Broquet, pour expliquer le silence qui avait suivi ses cris et ses coups contre la porte, silence que malgré lui son attention au cours de l'étude de la salle de police lui avait fait observer, s'était tout bonnement étendu sur la planche qui sert de lit au prisonnier et il attendait. « Si tu te trouves bien, lui dit le sergent, tu peux rester là jusqu'à demain. » Mais Paulin Broquet en avait assez appris pour aujourd'hui. Il préféra s'en aller et fut remis, après force salutation de sa part, force serment de main au sergent de ville que l'on avait fini par découvrir aux environs de la banque. Le brave sergent de ville, l'air bon garçon, mi-grave, mi-sérieux, reçut des mains de l'autorité militaire ce joyeux pochard dont il consentit à se charger. Ce représentant de l'autorité civile était tout bonnement Gabriel. Il l'emmena, comme il convenait régulièrement, et pour détourner les soupçons de gens qui devaient assurément se trouver aux aguets, au commissariat de la rue des Prouvaires. Peu après, naturellement, Paulin Broquet, sous un nouveau déguisement, ainsi que son lieutenant, sortait du poste. « Je sais, dit-il à Gabriel, par où l'on entre dans la cave à millions, par le poste de la rue de Lavrillière, et l'on opère sous la surveillance de l'autorité militaire, ce qui n'est pas le moins joli de l'aventure. » Sachant cela, Paulin Broquet, dès la première heure, se rendit auprès du directeur à qui il avait eu affaire jusqu'ici et lui demanda de lui obtenir le moyen de pénétrer à son tour dans le poste militaire. Ici, toute la beauté de l'administration française se montra dans son épanouissement. Le directeur ne pouvait prendre aucune décision de ce genre, ce n'était pas de son ressort. Il dut aller en référer au gouverneur. « Vous voyez bien, avait dit Paulin Broquet au directeur, ce dont j'ai besoin. L'autorisation de pénétrer dans ce poste, sous le prétexte que vous voudrez, plausible, l'inspection d'égouts, du service des eaux, des conduites de gaz ou de câbles électriques, n'importe quoi qui me donne le droit d'entrer là, sans subir de questions, sans arrêt, et sans que personne ne sache pourquoi j'y viens et dans quel but. Or, cette autorisation, il me la faut tout de suite, sans perdre une minute. » La réponse du gouverneur fut admirable, admirable. Ce coin n'appartient pas à la Banque de France, il est sous la dépendance absolue de l'autorité militaire.